On sort du studio, on monte sur un brick. Blech. Même les aveugles te portent l'œil. J'ai la gueule amochée comme les cartes du karting de Cormeuil. T'inscris pas au Pride, c'était un coup de chevreuil. J'ai vu des amours à glace faire coucher par des clous de cercueil. J'ramène en stud mes petits bics avant de chocolat. J'traite avec les tontons zéro, ouais, on fait les chèques ou là. On a des têtes de briques, mais ça nous empêche pas de faire des chèques en bois. Si tu crois pas ce que je dis, fréquente-moi ou t'iras faire du billboc avec mon plus grand doigt. Les bolos nous acquichons, on est venu faire la main comme un dealer de coke à la crémaillère Thierry Ardisson. Méga Ardisson, on a un 6.35 petit et noir, facile à cacher dans les buissons. Ah, laisse pas mon pizza s'accoupler avec ton bichon. Ah. Mec, tape la chatte de Casta, Laetitia. On a de la putain de frappe, de la putain de pasta. Qu'est-ce qu'il y a? Salope. Nick Sarkozy, Cécilia. Parole d'escroc dans le ghetto. Ma musique vaut des milliards. Salope. Mec, tape la chatte de Casta, Laetitia. On a de la putain de frappe, de la putain de pasta. Qu'est-ce qu'il y a? Salope. Nick Sarkozy, Cécilia. Parole d'escroc dans le ghetto. Oh. Ma musique vaut des milliards. Tracks dans nos colis, de la folie dans nos stories. Les MC sont des pilotes et la prod est impolite. J'm'approche tel un prodige, pire c'est la Bosnie. J'tire quand c'est je m'arrache comme un ovni. Y'a autant de rock que de prolique dans cette vie de crotale. On brise vos crânes en plongeant dans le vice total. C'est une prise d'otage, une grippe vocale. La crise propage depuis le temps qu'on pisse au gaz. Fistocard, il était temps qu'on glisse nos taf. Nique un pronostic sur le projet de scanner. C'est du farage ni corrosif. On a la plus nocive, procédé comme Sporovitch. Si la France était une corrida, bah j'serais Sporovif. J'me fous de briller, prendre un pillé quand ça m'arrange. J'ai une calage dans la bouche, pas se fier aux apparences. On va scier la rente à faire plier la balance. Parole d'escroc, tu peux pas skier l'avalanche. Mec, tape la chatte de Casta, Laetitia. On a de la putain de frappe, de la putain de pasta. Qu'est-ce qu'il y a? Salope. Nick Sarkozy, Cécilia. Parole d'escroc dans le ghetto. Ma musique vaut des milliards. Salope. Mec, tape la chatte de Casta, Laetitia. On a de la putain de frappe, de la putain de pasta. Qu'est-ce qu'il y a? Salope. Nick Sarkozy, Cécilia. Parole d'escroc dans le ghetto. Ma musique vaut des milliards. C'est chez les gros, je lâche des disquettes en parole d'escroc pour scanner. Je reste le premier sur le démarrage. Salam, bien ou pas? Non, sa mère, tu sais que j'ai la rage. On a côtoyé les. Mais mec est devenu une balance, tu sais ça farage. Cette gecko homicide, à cet autre méga haut sur ta forme humaine. Ça se termine en homicide volontaire. Fais ce que t'as à faire, flingue, sieve, gun, tapé, revolver. Fais ça comme tu veux, je te resterai en travers la gorge comme une arête. Ou la tête de ma bite dans ta bouche, ton pote à genoux je sous la gorge en criant arrête. Fais pas le con, blin l'escroc des coins. Interdit au bâtard, 7-7-9-5 50 mouches, 3005. T'inquiète, c'est de la bonne zinc. Je veux ta hamra comme toi, tu veux ma habla pour coaguler dans le sang. Bolos. Mec, tape la chatte de Casta, Laetitia. On a de la putain de frappe, de la putain de pasta. Qu'est-ce qu'il y a? Salope. Nick Sarkozy, Cécilia. Parole d'escroc dans le ghetto. Ma musique vaut des milliards. Salope. Mec, tape la chatte de Casta, Laetitia. On a de la putain de frappe, de la putain de pasta. Qu'est-ce qu'il y a? Salope. Nick Sarkozy, Cécilia. Parole d'escroc dans le ghetto. Ma musique vaut des milliards. Néochrome, bande de putain. Farashnikov. Néochrome. Le fléau du bitume.